La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, peut-on être cyclosophe ? Avec leur bec de canard agrafé au bout de leur tête de quadrupède, les ornithorynques sont des animaux bien étranges. Pendant longtemps, ils furent même considérés par les taxinomistes comme des êtres paradoxaux, au motif qu'ils possèdent certaines caractéristiques des mammifères, les femelles ont des mamelles, mais aussi certaines caractéristiques des ovipares, les femelles pondent des œufs. Mais à la toute fin du 19e siècle, après 8 décennies d'hésitation et de controverses dans les cercles savants, les ornithorynques devinrent parfaitement académiques le jour où on finit par admettre qu'ils ne sont ni des mammifères ni des ovipares, mais une nouvelle catégorie d'êtres vivants qu'on baptisa les monotrèmes. Finalement, ils auront été à la biologie ce que les particules quantiques furent à la physique, lesquelles obligèrent elles aussi les scientifiques à dépasser deux catégories qu'ils considéraient comme figées et séparées, en l'occurrence celle d'onde d'un côté et celle de corpuscule de l'autre. La morale commune de ces deux histoires, c'est qu'il faut se méfier des taxinomies trop rigides. Onde, corpuscule, mammifère, ovipare, gauche, droite, littéraire, scientifique, ange, démon. Car de temps à autre, une crise peut advenir qui mélange les genres, fait sauter les barrières et sème la panique chez les taxons. Un peu comme lorsqu'une serviette vieillissante se met à prendre des allures de torchon neuf. Dès lors, et pour ne nous intéresser qu'à nous autres les êtres humains, posons-nous cette question. Pouvons-nous exercer deux activités à la fois, sans jamais accepter d'abandonner l'une pour l'autre? Pouvons-nous longtemps nous maintenir dans un état de superposition entre deux passions? Par exemple, des humains pourraient-ils être à la fois coureurs cyclistes professionnels et philosophes aguerris, autrement dit cyclosophes? Et s'ils pouvaient l'être, ne seraient-ils pas aussitôt soupçonnés de n'être en réalité que des sportifs amateurs et des philosophes à la petite semaine, voire du dimanche? Un indice permet d'élaborer un premier élément de réponse. Un jour de juillet 1979, Antoine Blondin écrivit dans le journal L'Équipe « En vérité, je crois qu'il n'existe que 3 endroits privilégiés où l'adulte civilisé puisse éprouver la liberté. Un taxi, quand le chauffeur baisse le drapeau du compteur, les toilettes, quand se ferme le verrou, et le Tour de France, quand la course situable et intouchable nous livre à la plus délectable des solitudes, celle qui est peuplée. » Fin de citation. Voilà, dit en quelques lignes, une philosophie de la liberté à laquelle il est d'autant plus facile d'adhérer qu'elle convoque le mythique Tour de France. Mais cette remarque, dont la seule finalité, je peux maintenant l'avouer, était de citer Antoine Blondin, ne prouve nullement qu'on puisse être cyclosophe. Pour démontrer qu'un tel être biactif peut vraiment exister, il n'y a en vérité qu'une seule solution. Réussir à en débusquer un vrai, en chair et en os. C'est ce que j'ai pu faire grâce au hasard d'une flânerie dans ma librairie préférée. Bonjour Guillaume Martin. Bonjour. Bonjour, vous êtes donc cyclosophe, c'est-à-dire vous êtes cycliste professionnel. Vous êtes arrivé 12e du Tour de France, 3e français en 2019. Et vous avez suivi des études de philosophie, un master de philosophie. Et vous avez publié un livre qui s'intitule « Socrate à vélo ». Alors, est-ce que vous vous considérez comme l'équivalent bipédique d'un monotrème ? Eh ben oui, j'ai apprécié la comparaison avec les ornithorynques. J'y avais pas spécialement pensé, mais dans mon parcours, ce qui m'a souvent surpris, et en même temps pas tant que ça, parce que je comprends que ça, les choses se passent comme ça, c'est qu'on a tendance à faire des raccourcis, à vouloir rentrer les gens dans des catégories. Encore une fois, je trouve ça logique, sensé. Enfin, c'est comme ça que le monde fonctionne. On met des mots sur des choses et forcément, en cela, c'est réducteur. Mais je pense qu'il y a une manière de le faire. Et parfois, j'ai été un peu heurté par le fait que ça me semblait trop réducteur, trop cliché. Et effectivement, lors de mon premier Tour de France en 2017, il y a eu un spot médiatique qui s'est construit autour de moi tout d'un coup. J'étais jeune, ce qui était assez surprenant à cet âge-là. Et donc, cette fabrication du cliché m'a surpris. Vous voulez dire que le spot médiatique est dû au fait qu'on a découvert que vous aviez des diplômes de philosophie ? Eh bien, ou est-ce que c'est les résultats sportifs que je pouvais non lié au pardon le spot médiatique a effectivement été lié au fait que j'avais cette double caractéristique, cette double casquette. Non, les y a plus certes, casquettes maintenant, certes, c'est des casques. Voilà, double casquette originale d'être à la fois cycliste et philosophe. Bien sûr que c'est original, mais le problème que j'ai perçu, c'est que on ne s'intéressait plus qu'à ça, et en fait, on ne s'intéressait plus du tout, par exemple, à mes résultats sportifs. On s'intéressait encore moins à ce que je pouvais penser en tant que, osons le mot, philosophe. Et donc on se concentrait simplement sur le cliché et sur cette petite particularité. Vous écrivez dans votre livre, donc Socrate à vélo, dans lequel vous parlez beaucoup de France Culture. J'ai découvert ça en lisant. Vous dites, ce qui me choque, c'est que l'on trouve incongru qu'un cycliste écoute France Culture, ou que l'on mette en valeur un athlète uniquement parce qu'il a fait des études. Tout cela m'offusque, car l'idée sous-jacente est qu'un sportif ne peut pas être capable de réfléchir. Ce n'est pas dans ses attributions. Ce qu'il doit pouvoir faire, c'est courir, sauter, lancer, pédaler. L'homme des stades serait une sorte de machine animée, experte en son domaine et indifférente à tous les autres aspects de l'existence. Mais est-ce que c'est un cliché là que vous dénoncez, qu'on retrouve dans les équipes cyclistes professionnelles ? Est-ce qu'on s'intéresse à vos autres activités que celles d'entraînement ou de course ? Non, justement dans le milieu cycliste, j'ai l'impression qu'en tout cas cette question est neutre. On peut s'y intéresser, on peut ne pas s'y intéresser, à la limite peu importe. Mais voilà, c'est pas vu comme étant quelque chose d'extraordinaire, parce que dans le milieu cycliste, il y a des gens qui viennent de tous horizons. Les qualités physiques, c'est quelque chose d'extrêmement démocratique. C'est la chose au monde la mieux partagée, la mieux répartie. Ça dépend pas de l'environnement social. Et à l'inverse, voilà, il y a une vraie fracture entre moi, ce que je perçois dans le milieu cycliste, et la manière dont je suis perçu par les médias, ou en tout cas dont j'ai été perçu à ce moment-là, il y a quelques années, comme un spécimen à part, une sorte d'ovni. Mais dans votre équipe professionnelle, il n'y a pas des incitations visant à vous faire penser que si vous lisiez moins de livres, vos performances sportives seraient meilleures ? Non, justement, c'est ça qui, de l'extérieur, peut surprendre. On peut avoir cette impression ou ce... Mais en réalité, de l'intérieur, non, c'est quelque chose d'assez neutre. Parce que voilà, moi, c'est ça mon truc à côté. Mais j'ai des coéquipiers qui ont autre chose à côté. Et heureusement qu'on n'est pas réductible à notre travail, qu'on a le droit d'avoir d'autres activités. Finalement, c'est peut-être même une force d'avoir plusieurs choses. Non, ça n'a jamais été perçu comme quelque chose de néfaste à ma performance. Alors, Guillaume Martin, vous parlez de spots médiatiques braqués sur vous, mais je vais vous faire une confidence. Moi, avant de tomber par hasard sur ce livre, votre livre, j'avais pas entendu parler de vous. Or, vous êtes arrivé 12e du Tour de France, 3e français, derrière Thibaut Pinot et Alaphilippe. Enfin, le Thibaut Pinot n'a pas été classé à la fin, mais j'ai suivi tout le Tour de France, enfin, quelques étapes, en tout cas importantes, et j'ai pas entendu votre nom. Comment expliquez-vous cette discrétion médiatique, au contraire? Peut-être discrétion d'un point de vue sportif, parce que on parle beaucoup de moi d'un point de vue extra-sportif pour cette double casquette. Alors après, pour cette année en particulier, c'est vrai que vous l'avez dit, le Tour de France, on a eu des Français qui ont vraiment brillé. Je pense effectivement à Julien Alaphilippe qui a porté le maillot jaune pendant très longtemps, Thibaut Pinot qui était en lice pour la victoire finale. Donc forcément, nous, derrière un peu... Mais quand même 12e, et il y a eu des époques où le premier français était 20e. Mais c'est ça, mais justement, il y avait peut-être plus de spots médiatiques quand il est sur le premier français 20e qu'aujourd'hui sur le 12e, car il est 3e français. Après ça, je m'en plains pas, c'est pas ça que je recherche. Mais vous êtes, pour être 12e, j'imagine qu'il faut être très régulier, bon en montagne, bon dans les contre-la-montre, bon dans les étapes plus roulantes. C'est votre cas ? Oui, surtout en montagne. Moi, c'est la montagne, ma spécialité. C'est là que j'ai construit cette place. Donc effectivement, oui, le Tour de France, c'est une épreuve de longue haleine qui dure 3 semaines. Il faut être extrêmement régulier et concentré toujours. Après, oui, oui, j'ai peut-être pas fait de coup d'éclat cette année pour prendre la lumière d'un point de vue sportif, mais bah, ce sera pour les années prochaines. Il arrive que vous entraîniez chez vous sur un home trainer. Alors, je vous lis, la séance d'home trainer à Jeun. Pourquoi à Jeun? Pourquoi à Jeun? Parce que à Jeun, on développe des certains mécanismes physiologiques. C'est une forme d'entraînement, en fait. En fait, on puise dans les réserves. Forcément, à Jeun, on n'a pas de sucre dans l'organisme. Et on apprend l'organisme à fonctionner sans sucre, sans glucides, de sorte à ce que en course, quand cette fois on a un apport en glucides, ben on retarde le moment où on utilise ces glucides. On a une meilleure utilisation de la filière lipidique, donc des gras. Et donc, voilà, dans le but d'avoir un léger avantage, un léger plus à la fin de la course. C'est ça le mécanisme physiologique. On va y revenir parce que j'ai l'impression que vous êtes coureur cycliste, un peu philosophe, même beaucoup philosophe, et aussi nutritionniste. Ça fait partie des choses qui m'intéressent, mais je pense que je suis curieux de manière générale et voilà, je m'intéresse à tous les éléments de mon sport. Et quand on commence à s'intéresser au cyclisme, on voit que ça peut toucher plein de domaines parallèles, donc c'est ça qui est intéressant. Alors je continue la citation. La séance d'home trainer à Jeun passe en un éclair. Le cycliste tourne les cannes gentiment, sans forcer, en déroulant, accompagné de la voix chaleureuse de Guillaume Herner, le présentateur de la matinale. Et voilà déjà que la barre des 40 minutes est atteinte. Donc tous les matins, vous pédalez en écoutant France Culture. Quand il n'y a pas de course. C'est un livre, donc il y a une partie fictionnelle. Ah bon? Et l'entraînement sur home trainer et l'entraînement à Jeun, voilà, ça fait partie des entraînements, des types d'entraînements qui existent. C'est pas celui dont je suis le plus adepte. Donc ça a pu se produire, mais c'est pas quelque chose qui se produit tous les matins. Non, non. Alors, dans votre livre, vous parlez de Flaubert. Vous rappelez que Flaubert expliquait qu'on ne peut penser qu'à si. Vous parlez de Nietzsche, qui affirmait que seules les pensées qu'on a en marchant valent quelque chose. Et vous concluez en disant que le vélo les met d'accord, puisque quand on est à vélo, on est à la fois assis et en marche, puisqu'on pédale. Une sorte, oui, de synthèse. C'est ça, oui, c'est thèse, antithèse, synthèse, une démarche proprement philosophique, alors un petit peu tirée par les cheveux, un petit peu clin d'œil et humoristique, bien sûr, mais plus profondément, ce qu'il y a derrière ça, sans doute, c'est l'intérêt, en tout cas le plaisir que moi je prends à faire du vélo, à quel il y a plein d'aspects, bien évidemment, mais un des plaisirs que je trouve, c'est que avec le vélo, je m'évade et donc je vais sur les routes et je peux laisser mon esprit divaguer, penser à plein de choses ou peut-être plus important encore, ne penser à rien. Et je pense que le vélo vraiment est l'activité, peut-être plus encore que la marche, qui permet ça, parce que on est vraiment, voilà, ça me semble être le rythme idéal pour souvent, cette présence au vélo. Le vélo, au niveau où vous le pratiquez, c'est quand même souvent associé à une souffrance. Or, vous parlez d'une extase physique. Ben, c'est là où les deux peuvent peut-être se rejoindre. À un moment donné, la souffrance est telle qu'elle en rejoint le plaisir. Enfin, il y a une forme de masochisme presque dans le cyclisme et... Je compare ça un peu à la théorie de l'éternel retour de Nietzsche, qui est vue presque comme une épreuve et où il est dit qu'il faut non seulement supporter cette idée que chaque plaisir et chaque peine puissent se reproduire un nombre infini de fois, mais plus encore que le supporter, il faut le rechercher, désirer. Il faut le désirer, aimer cette épreuve. Et donc, je pense que dans le sport, dans mon entraînement, c'est vraiment quelque chose que je pratique. J'ai des entraînements parfois extrêmement difficiles, mais si c'est quelque chose que je fais en rechignant ou quelque chose que je ne désire pas ou je n'éprouve pas de plaisir, ça peut pas marcher. Donc le sport, en ce sens-là, est vraiment l'expérience de l'éternel retour. Alors j'hésite à vous poser des questions parce que j'imagine qu'on vous pose presque toujours les mêmes et que ça doit vous agacer, vous lasser. Mais par exemple, vous avez un peu répondu tout à l'heure, vous dites parfois sur le vélo je ne pense à rien. Vous n'êtes pas toujours vrai, il y a des moments où vous pensez à quelque chose. Bah, par moment, j'écoute France Culture. Par moment, je suis avec un collègue, on discute de tout et de rien. Parfois, je pense à ce que je vais me faire à manger en rentrant, des choses très triviales. Parfois, je peux avoir des pensées un peu plus philosophiques, dirons-nous. Mais je pense qu'effectivement, les moments les plus importants et savoureux, ce sont ces moments où je ne pense à rien, où je m'oublie moi-même et où je tombe dans cette forme d'extase ou de présence au monde. Après, on peut la définir de plusieurs manières. Je pense que c'est une expérience que plusieurs de vos auditeurs ont pu déjà faire sur le vélo ou ailleurs, par exemple en voiture. Au bout d'un moment, on perd le fil, on respecte encore le code de la route, on suit la direction qu'on avait prévue, mais on est là sans être là, et 30 km après, on se réveille, on se dit, tiens, j'ai fait 30 km. Et à vélo, moi, j'ai parfois ce genre d'expérience, et voilà, j'avance sans m'en rendre compte. On ne s'est pas donné à tout le monde, hein. Mais vous parlez de Nietzsche, que vous citez d'ailleurs souvent dans le livre, et vous dites qu'il est sans doute le père caché du sport moderne, beaucoup plus que Pierre de Coubertin. En fait, j'ai écrit un mémoire pour valider mon master il y a quelques années, et c'était effectivement le sujet de mon mémoire. J'envisageais de manière un peu provocative, évidemment, Nietzsche comme un possible père caché du sport moderne. L'idée derrière ça, c'était... En fait, je suis parti de mon ressenti personnel, et surtout d'une incohérence, ou en tout cas d'un décalage, entre le discours ambiant du sport moderne, le discours de l'olympisme par exemple, et ce que moi je vivais. Effectivement, voilà, on dit l'important c'est de participer. Moi, je suis désolé de l'avouer, mais je pense que tous mes collègues, c'est la même chose. Pour nous, l'important, c'est pas de participer, c'est bien évidemment de gagner. Et en fait, en lisant Nietzsche, Nietzsche parlait plus à un sportif, le sportif que j'étais, que ne le faisait de Coubertin. Nietzsche fait dire à Zarathoustra, dans Ainsi parlait Zarathoustra, je ne vous conseille pas la paix, mais la victoire. Donc ça va complètement à l'opposé de l'important, c'est de participer, et moi, je me retrouve plus là-dedans. Comme une sorte de guerre, finalement. Mais d'ailleurs, vous citez, George Orwell qui dit « Pratiquer avec sérieux, le sport n'a rien à voir avec le fair-play. Il déborde de jalousie haineuse, de bestialité, du mépris de toute règle, de plaisir sadique et de violence. En d'autres mots, c'est la guerre, les fusils en moins. » Mais je pense sincèrement qu'il y a une vraie violence inhérente au sport, et donc que le sport peut être comparé à une guerre. Ce qui est important dans la citation que vous venez de citer, c'est les derniers mots. Le sport, c'est la guerre, les fusils en moins. Donc, faut faire attention, on parle d'une guerre symbolique, évidemment. Et je pense que c'est là vraiment tout l'intérêt du sport, c'est de confiner cette violence qu'on a tous en nous, dans ce cadre institutionnalisé du sport. Il y a effectivement une forme d'animalité en chacun de nous, et la fonction du sport me semble être de libérer cette animalité, ces pulsions qui peuvent être violentes, dans un endroit où il n'y a pas de conséquences, puisque c'est protégé par des règles, par des arbitres, et pour envisager les choses peut-être d'une perspective freudienne, on pourrait parler d'une forme de sublimation. On transforme des pulsions qui pourraient être néfastes à la société en quelque chose de positif, on les valorise dans le cadre du sport. Et dans le peloton que vous fréquentez, donc il n'y a pas de solidarité. Vous connaissez d'ailleurs tous les membres du peloton ? Tous les coureurs se connaissent ou... Oui, enfin ça reste un petit milieu, donc on se connaît. Donc il y a une rivalité, mais en même temps il y a une sorte de solidarité par le fait que vous pratiquez la même épreuve. Oui, voilà, mais il y a passé par les mêmes souffrances. Bien sûr, mais je pense qu'il faut vraiment distinguer le moment de la course, où effectivement on peut avoir cette violence, on peut être animal et agressif et la rivalité se fait jour. Et puis le moment de l'après-course, où là effectivement on est solidaire et copain et il n'y a aucun souci. C'est encore plus visible cette distinction dans le rugby. Le rugby, effectivement, voilà, la violence est évidente. On le voit en ce moment pendant la Coupe du Monde. Il peut y avoir des bagarres pendant les matchs, mais une fois la fin du match, il y a la fameuse troisième mi-temps et on va boire des bières ensemble. Voilà, la limite, c'est les règles, c'est le cadre du sport. Alors vous parlez dans Guillaume Martin, dans votre livre, de la fameuse plonge des belles filles, un nom qui fait rêver. C'est quoi? C'est une montée terrible dans les Vosges? C'est une montée effectivement qui devient progressivement un classique du Tour de France. Je pense que le Tour de France y a été peut-être 4 fois sur les 7-8 dernières années. Et donc, lors de mon premier Tour de France, il y avait effectivement une étape qui arrivait à la planche des belles filles. Il y en avait une à nouveau cette année. Le livre, en fait, suit le parcours du Tour de France 2017, donc le premier auquel j'ai participé. Et oui, c'est un peu la... Effectivement, il y a ce nom qui est tout à fait évocateur. 24%. C'est une montée qui est très particulière, qui est relativement courte, 5-6 kilomètres, mais particulièrement raide. Il y a une première rampe toute droite, très raide, et puis une dernière rampe encore plus raide, à plus de 20%. Et donc cette année, les organisateurs ont même corsé encore un peu plus la chose. Et maintenant, on va 1 kilomètre plus loin sur une route qui n'est pas goudronnée, qui frôle aussi les 20% en plusieurs endroits. Et donc là, je pense que ce type de montée condense tout ce qui fait c'est un peu bateau de le dire, mais la magie du tour, ou en tout cas l'aspect mythique du tour. On crée un mythe. D'ailleurs, le nom Planche des Belles Filles vient d'une sorte de mythe qui remonterait, paraît-il, à la guerre de 30 ans, en 1635, durant lequel les jeunes filles du village voisin se seraient réfugiées sur cette montagne pour échapper aux mercenaires suédois qui stationnaient dans la région. Et plutôt que de subir leur agression, elles ont préféré se suicider en se jetant du haut de la montagne dans l'étang qu'ils appellent l'étang des belles filles. Vous connaissez l'histoire? On me l'avait raconté plusieurs fois, je l'avais oublié plusieurs fois, donc merci de me la rappeler une nouvelle fois. Alors vous parlez, Guillaume Martin, vous êtes admiratif des champions, comme si vous n'étiez pas l'un d'eux. Vous dites, il y a les ouvriers du sport d'un côté, il y a les champions de l'autre, il y a les acteurs du sport et il y a les artistes du corps. Alors parmi les champions en vélo, lesquels citez-vous en premier? Je sais pas, les champions, déjà, il n'y en a pas beaucoup, et je pense que pour les trouver, il faut peut-être remonter, justement, par exemple, au temps d'Antoine Blondin et Jacques Anquetil. Moi, j'ai grandi avec les histoires de Jacques Anquetil que me racontait mon père, et effectivement, je pense qu'il y a... Voilà, il peut clairement être qualifié de champion parce qu'il avait cette aisance. Vous dites qu'Anquetil caressait les pédales, ça veut dire quoi? Est-ce que ça s'apprend, caresser les pédales? Justement, je pense que c'est pas... Être un champion, c'est pas quelque chose qui s'apprend. On l'a en soi ou pas. Alors après, on peut l'activer ou pas. Donc il faut réunir plusieurs conditions. Il faut déjà avoir les qualités de base. Et puis, il faut travailler beaucoup pour mettre au jour ses qualités. Mais je pense que si on n'a pas ce qu'on pourrait appeler cette classe naturelle que pouvait avoir Anquetil ou d'autres, on ne peut jamais être un champion. On peut être un très bon coureur, mais... Alors, Philippe Bordas, que vous connaissez, l'expression « forcé de la route », on la connaît, mais lui, il a écrit un livre sur le vélo qui s'appelle « Les forcenés ». Il dit un peu la même chose que vous, à savoir qu'il y a quelque chose dans le cyclisme qui est abouti, enfin, il y a quelque chose qui est terminé. Les champions comme Coppi ou Anquetil n'ont plus leur équivalent aujourd'hui. Et il dit ceci, le cyclisme dans sa perfection est abouti. Coppi achève le cyclisme comme Joyce et Faulkner achèvent le roman dans sa forme minérale complexe. Après quoi viennent les répétitions, les épigones et la dilution. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce jugement terrible? Oui, jugement terrible, évidemment, pessimiste. Je suis jeune, encore actif, coureur cycliste actif, donc j'ai pas envie de partager cette vision. Enfin, je pense qu'il faut garder une forme d'optimisme et oui, c'est vrai que le sport de manière générale et le cyclisme en particulier a perdu de son charme, ou en tout cas à mesure que la science s'est instillée dans le sport. On veut de plus en plus tout contrôler. Enfin, c'est le cours naturel des choses. Je pense que c'est à l'image de la société. Et donc, voilà, le sport n'échappe pas à ce désir de contrôle et de tout maîtriser. On l'a vu dans le cyclisme, peut-être avec l'hégémonie de Sky ces dernières années. L'équipe Sky qui cherchait à maîtriser tous les paramètres, tous les gains marginaux, c'était leur mot. Mais moi, ce que je pense par rapport à ça, c'est que il restera toujours une part d'instinct, de folie, quelque chose qui résistera à la science. Et ça, c'est peut-être le libre arbitre du coureur sur son vélo, l'humain, qu'on pourra jamais totalement supprimer. C'est là où je m'accroche à une forme d'optimiste. Il y aura peut-être 99% de maîtrise et 1% de folie, mais il y aura toujours ce 1% qui fera toute la différence. Mais Guillaume Martin, il n'y a pas beaucoup de poésie chez les Sky. On n'imagine pas quelqu'un écrire à propos d'un coureur de la Sky ce que Anthony Blondin écrivait en 1955 à propos de Louison Bobet. Je vous lis quelques phrases. La sensibilité exceptionnelle de Louison Bobet, alliée à cette volonté qu'on lui a vu exercer lorsqu'il a pris en charge tout le patrimoine de la tradition cycliste française, en fait sans conteste un être à part. C'est le mariage de la harpe et de la trompette. L'élégance frémissante avec laquelle il perçoit les échos du monde contraste avec le tempérament acharné qui la porte à les lui retourner. C'est un homme qui donne beaucoup parce qu'il reçoit beaucoup. Placé sur la sellette, réduit à la condition de cible dans la solitude exposée à quoi l'oblige son talent, il en est arrivé à ce stade où la nervosité n'est souvent plus qu'une forme de la conscience professionnelle. Fin de citation. Peut-être plus de Louison Bobet, mais il y a peut-être plus d'Antoine Blondin non plus. Donc, est-ce que vous parlez vélo? On parle d'un parler vélo dans le peloton des expressions qui ne sont compréhensibles que par les pratiquants. Est-ce que ça existe encore? Oui, oui, bien sûr. Par exemple, je sais pas. Eh bien, justement, tourner les cannes, mettre la plaque. Mettre la plaque, ça veut dire? Mettre le grand plateau. Ouais. Oui, oui, il y a tout un vocabulaire, mais comme dans n'importe quel milieu, je pense, qui crée une famille. Il y a tout un vocabulaire commun aux cyclistes, qui peut être excluant donc pour ceux qui ne font pas partie de cette famille, mais je pense que ça c'est vrai pour tout milieu. Quand on est dans son milieu, il y a plein de choses qui paraissent évidentes, et dès qu'on sort un petit peu, qu'on fait un pas de côté, on se rend compte qu'il faut faire beaucoup de pédagogie pour expliquer ça. En quelque sorte, moi, c'est ce que j'ai envie de faire au travers de ce livre. Et je trouve dommage de se cantonner à un seul milieu. Donc, c'est pour ça que je cherche à réunir deux milieux qui, en plus, ont peu l'habitude de se parler. Donc, le milieu intellectuel et sportif, ou plus généralement, le milieu intellectuel et manuel. Alors, c'est le moment de faire une petite pause musicale. Vous avez choisi un morceau qui fait lui aussi écho à Nietzsche. France Culture, la conversation scientifique. Étienne Klein. Un soir, ma femme, en voyant les trois poils qui m'ombrageaient le dessous de la lippe, me dit: mon chéri, ne le prends pas mal, mais je trouve ta barbe un peu cheap. Le truc qui me gêne par-dessus tout, c'est cette moustache transparente et flasque. Elle est composée de 27 poils en tout. Je le sais, je les compte quand on s'embrasse. tout en me chatouillant l'orteil, elle me murmura à l'oreille. Je veux embrasser les moustaches à la niche. Je veux embrasser des moustaches à la niche. Je veux embrasser des moustaches à la niche. Je veux embrasser des moustaches à la niche. Au paradis de la moustache dorée est une enseigne qui fait dans le haut de gamme. Derrière le comptoir, un petit homme avisé me déballe sa cam. J'ai de la Beauvais en laine du Larzac, de la Staline, de la Brassens en mohair. Je viens de recevoir un arrivage d'Irak, de la Saddam pas cher. Je pris le maquignon par le col, j'aime pas qu'on me prenne pour un guignol. Je veux des postiches de moustache à la Nietzsche. Je veux des postiches de moustache à la Nietzsche. Je veux des postiches de moustache à la Nietzsche. Je veux des postiches de moustache à la Nietzsche. Calmez-vous, je vais vous révéler le grand secret des moustaches de Friedrich. Son égérie, Lou Andreas Salomé, comme votre femme, elle se moquait de sa barbiche. Suivant alors sa propre théorie, selon laquelle ce qui ne vous tue pas vous rend plus folle, le philosophe du guérasoir s'offrit un lot de gilets de Saint-Saëns. Dans sa petite chambre de Weimar, il tombait taillé ses schnurrbach. Un jour j'aurai des moustaches à la Nietzsche. Un jour j'aurai des moustaches à la Nietzsche. Un jour j'aurai des moustaches à la Nietzsche. Un jour j'aurai des moustaches à la Nietzsche. Gonflé à bloc, je suis rentré chez moi. Je rase ma moustache clairsemée trois fois par jour. Depuis, ma femme et moi, communion dans la joie. De l'éternel retour. De l'éternel retour. De l'éternel retour. De l'éternel retour. De l'éternel retour, mon amour. De l'éternel retour, oui, mon amour. De l'éternel retour. Guillaume Martin, vous avez choisi les moustaches à la Nietzsche, chantées par les Blaireaux. Est-ce que c'est parce que on a écrit de vous que vous aviez le Nietzsche dans le guidon? C'est en tout cas sûrement parce que voilà, j'apprécie particulièrement la philosophie de Nietzsche. C'est, je pense, l'auteur qui m'a le plus marqué. Donc voilà, c'était un clin d'œil principalement. Et après, il n'y a pas tant de chansons que ça qui parle de Nietzsche et de philosophie, donc j'en ai trouvé une. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire qu'il y a une science du vélo? Je vous pose la question, oui. Parce qu'il y a quelques jours, il y a eu un grand colloque organisé à Lyon par Frédéric Michalak, le joueur de rugby, sur science et innovation, où on a découvert que l'entraînement des sportifs, c'est pas simplement l'entraînement physique, il y a aussi toutes sortes de gens compétents qui viennent donner des conseils. Et l'entraînement devient quelque chose d'assez scientifique. Oui, bien sûr. Ben, là-dessus, je pense qu'il y a eu un tournant en France, en tout cas, il y a une dizaine d'années, avec plusieurs chercheurs qui se sont vraiment intéressés à l'entraînement sportif et aux mécanismes à l'œuvre et qui ont opéré une petite révolution donc dans le monde du vélo. Le vélo, c'est quand même un sport très populaire, traditionnel, et donc peut-être qu'il pâtissait un peu de son histoire lourde, et donc on faisait les choses comme on les faisait il y a 50 ans, c'est-à-dire que en gros on faisait le plus d'heures de selle possible, et puis voilà, ça allait bien comme ça, et puis sous l'influence de courants anglo-saxons, on s'est rendu compte que il fallait pas seulement faire du quantitatif, mais aussi du qualitatif. Et donc maintenant, le contenu des séances d'entraînement est beaucoup plus important. Est-ce que le nombre d'heures passées sur la selle diminue? Peut-être un peu. Il y a peut-être eu des excès. Peut-être qu'on a trop diminué à un moment donné. Après, moi, je vous assure que je fais quand même beaucoup d'heures de selle, mais j'essaye de les faire bien aussi. Et pour ça, j'ai un staff qui autour de moi qui m'aide. Les équipes sont très bien organisées et ont vraiment des liens avec la science, avec les milieux universitaires sur différents plans, donc sur la science de l'entraînement, on en a parlé, sur la science de la nutrition, sur la mécanique, l'aérodynamisme des vélos. Voilà, on cherche vraiment à maîtriser tous les ou à optimiser tous les paramètres de la performance. Il y a aussi de l'aérodynamique dans le vélo. Vous parlez assez longuement dans le livre de ce qu'on appelle une bordure. Une bordure qui a coûté, je crois, quelques minutes ou un peu plus d'une minute à Thibaut Pinot dans une étape du Tour de France. Alors comment est-ce que vous expliqueriez à nos auditeurs ce qu'est une bordure? Dans le petit chapitre que vous consacrez à ce phénomène physique, qui traduit aussi une forme de ruse de la part de certains coureurs, vous dites le vélo c'est de la voile, les coureurs sont des roseaux. Là, c'est deux citations. La première de Cyril Guimard, donc le vélo c'est de la voile, qui quelque chose qu'il répète souvent. Cyril Guimard, qui est un personnage historique du vélo, qui a accompagné Bernard Hinault notamment dans ses succès. Et puis le roseau, c'est évidemment une référence à Pascal et à son roseau pensant. Et pour expliquer la bordure de manière synthétique, c'est pas évident. La bordure est un concept cyclosophique compliqué. Il faut un vent latéral déjà. Voilà, grosso modo, il faut un vent latéral, presque. L'idéal, c'est de 3/4 d'eau, que ce soit une route dégagée, donc le vent souffle fort. Droite. Droite ou gauche, peu importe. Non, mais la route doit être droite. La route doit être droite, préférentiellement, oui. Et alors là, une équipe peut décider, si elle est bien organisée, de se mettre à l'avant du peloton en diagonale, donc contre le vent, de sorte à ce que le premier coureur abrite tous les autres derrière, un peu comme les oies sauvages qu'on voit durant leur migration. On voit qu'elles forment un V. C'est un peu le même mécanisme à l'œuvre. Et on voit que d'ailleurs les oies sauvages se relaient, les cyclistes font de même. Donc le premier cycliste fait l'effort, puis se repose derrière et ainsi de suite. Et en fait l'intérêt c'est de casser le peloton en plusieurs parties, puisque il n'y a pas de la place pour tout le monde, la route est limitée. C'est ça qu'on appelle la bordure, c'est la bordure de la route en fait. C'est la bordure de la route, oui. Donc là vous parliez du vocabulaire des cyclistes, alors par rapport à la bordure il y en a beaucoup. On dit quand on se fait lâcher de ce fait-là, on s'est fait bordurer. Parce que celui qui est derrière, qui peut pas se mettre... Parce que celui qui est derrière, il est donc le long de... Voilà, sur la bordure de la route. Et il est protégé par rien, en fait. Donc, face à... L'union fait la force. Face à 7-8 coureurs organisés qui se relaient, l'homme seul pourra pas résister longtemps. Et au bout d'un moment, il sera obligé de lâcher. Donc, on peut pas rattraper des gens qui sont organisés en tête du peloton de cette façon. Tout seul. On peut pas les rattraper. Tout seul, c'est là où justement un coureur, une équipe bien organisée peut être plus forte que le meilleur coureur du peloton. C'est là qu'on se rend compte que tout seul, on peut pas faire grand chose. Vous qui êtes professionnel, est-ce que vous choisissez vos courses, celles auxquelles vous participez, ou est-ce que vous obéissez à des directives de votre équipe? C'est un échange, c'est un accord. J'ai la chance d'être parmi les leaders de mon équipe, donc je peux quand même avoir mon mot à dire sur mon programme. Après, il y a des sélections internes aux équipes. Enfin, par exemple, le Tour de France, nous, dans l'effectif de notre équipe, on est une vingtaine de coureurs. Au départ du Tour de France, il n'y a que 8 coureurs. Donc forcément, il y a une sélection qui s'opère au sein de l'équipe. Il y a les volontés de chacun. Vous imaginez bien que tout le monde veut participer au Tour de France. Après, là, c'est la direction de l'équipe qui fait ses choix en fonction de plusieurs paramètres. Mais généralement, ça se fait quand même dans la discussion et dans l'échange. Vous pardonnerez ma question, qui est une question de Béotien, mais dans quel état physique on termine un Tour de France? C'est assez particulier. En fait, au bout de quelques jours, on a plus mal aux jambes, par exemple. Donc, on n'a pas spécialement mal aux jambes à la fin du Tour de France. Par contre, au bout de 3-4 jours, on n'a plus mal aux jambes. Par contre, on a une fatigue générale qui s'installe. Et, c'est-à-dire, on a sommeil ou c'est d'autres formes de fatigue? C'est une fatigue qui est tellement lourde, tellement pesante que on n'a pas plus sommeil que ça. Parfois même, on a du mal à s'endormir quand on est tellement fatigué. On n'arrive pas à s'endormir. Donc c'est vraiment plus une fatigue générale, une lassitude générale, mais en même temps mêlée à une excitation parce que la fin d'un Tour de France, c'est les Champs-Élysées, c'est quand même un événement très très particulier. Donc on est un peu en décalé par rapport au reste du monde. Ce qui est le plus bizarre, c'est plutôt les jours qui suivent le Tour de France. Enfin voilà, un repos complet, c'est vraiment pas l'idéal, parce que là, on peut avoir vraiment un moment de fatigue puissant post-événement et en même temps un peu un moment de blues post-Tour de France. Presque un phénomène de manque? Presque un phénomène de manque, évidemment. Le Tour de France, c'est une habitude qui se construit sur 3 semaines. On a le même rythme de vie sur 3 semaines. Il y a beaucoup d'adrénaline, l'adrénaline de la course, toute l'effervescence autour, avec le public, avec les médias. Tout d'un coup, on se retrouve sur son canapé, tout seul chez soi. Ça peut y avoir une forme de dépression qui se crée. Comment vous expliquez l'engouement du public pour ce sport ? Philippe Bordas, que je citais tout à l'heure, écrit dans son livre Forcené, « Le cyclisme prend la mesure du monde dans ses excès. Il exige des mesures de l'homme, une tension complète qui touche aux organes et au cerveau. C'est le lieu infernal du maximalisme. » Est-ce que c'est la bonne explication ? C'est sûr que le Tour de France est extrême. Il n'y a pas beaucoup d'épreuves sportives qui durent aussi longtemps, qui imposent autant d'efforts, une concentration quotidienne. Donc, de ce fait, ça développe plein d'émotions. Les coureurs cyclistes passent par plein d'états. Parfois, ils sont proches de l'abandon. Parfois, il y a la joie extrême de la victoire. Et tout ça se transmet au public parce que dans le cyclisme, il y a une vraie proximité entre les acteurs du sport, les coureurs, et puis le public. On est à quelques mètres les uns des autres. Parfois, on se touche. On est vraiment accessible. Et donc, je pense que le public ressent ce que les coureurs ressentent. Et c'est pour ça qu'il y a un tel engouement pour le Tour de France. Et puis, ça a une forme aussi... qui ressemble beaucoup à celle d'un feuilleton. Enfin, ça dure 3 semaines et tous les jours, l'intrigue se noue petit à petit, il y a des rebondissements avant le dénouement final. Et je pense que c'est les mêmes ressorts qui agissent que dans n'importe quel feuilleton télé, par exemple. Dans une série, c'est une série sur 3 semaines, oui. Alors, vous définissez vous-même comme cyclosophe, hein, l'expression, on la trouve dans votre livre. Et je crois savoir que c'est vous qui l'avez inventée. Vous êtes le premier de cette espèce. Je sais pas mode. Si c'est moi qui l'ai inventé. Il y a eu déjà beaucoup de jeux. Enfin, je pense que c'est une invention. Parfois, vous dites vélosophe. Je dis vélosophe. Il y a eu beaucoup de journalistes qui ont inventé en même temps que moi. Et je crois qu'il y a un livre aussi qui est avant le mien s'appelle Petit traité de vélosophie. Donc, je suis pas sûr que je dois être le père de ce néologisme. Il y a une philosophie du vélo. On peut présenter les choses de cette façon. Ça veut pas dire qu'il y a des cycliste, philosophe. Est-ce que vous pouvez préciser? Non, il y a une philosophie du vélo. C'est-à-dire on peut utiliser la course cycliste comme métaphore de la condition humaine, par exemple. C'est ce que fait d'ailleurs Roland Barthes parce que Roland Barthes a écrit sur le Tour de France dans Mythologie. Voilà ce qu'il écrit. La dynamique du Tour de France, ne connaît que 4 mouvements. Mener, suivre, s'échapper, s'affaisser. Mener est l'acte le plus dur, mais aussi le plus inutile. Mener, c'est toujours se sacrifier. C'est un héroïsme pur, destiné à afficher un caractère bien plus qu'à assurer un résultat. Dans le Tour de France, le panache ne paie pas directement. Il est d'ordinaire réduit par les tactiques collectives. Suivre, au contraire, est toujours un peu lâche et un peu traître, relevant d'un arrivisme insoucieux de l'honneur. Suivre avec excès, avec provocation, fait franchement partie du mal. Honte aux suceurs de roues. S'échapper est un épisode poétique destiné à illustrer une solitude volontaire, au demeurant peu efficace, car on est presque toujours rattrapé, mais glorieuse à proportion de l'espace d'honneur inutile qui la soutient. L'affaissement préfigure l'abandon. Il est toujours affreux, il attriste comme une débâcle. Dans le Ventoux, certains affaissements ont pris un caractère hiérochimatique. Fin de citation, Roland Barthes. il fait, je pense, référence à la, au décès de l'américain Simpson sur le l'anglais. De l'anglais pardon Simpson en peut-être 1969 ou dans ces années-là au Mont Ventoux. Au Mont Ventoux effectivement. La seule mort en vélo en montée. Ouais, je pense ouais. Donc et c'est là où on voit ouais la violence du sport et la proximité avec la mort. Vous parliez donc d'une philosophie du cyclisme, peut-être plus encore qu'une philosophie, c'est une éthique qui se met à l'œuvre. Oui, en même temps, une science du langage, parce qu'il dit un peu plus loin dans ce même texte, le rôle du langage ici est immense. C'est lui qui donne à l'événement insaisissable, parce que sans cesse dissous dans une durée, la majoration épique qui permet de le solidifier. Donc c'est la façon de raconter l'étape qu'il affiche dans le temps, plus que l'événement même. C'est sûr que ce qui est beau aussi dans le cyclisme et dans le Tour en particulier, c'est l'histoire qui se crée. Et l'histoire qui se crée, elle peut pas se créer sans les acteurs sur le terrain, mais s'il y avait que ces acteurs-là, peut-être qu'il manquerait quelque chose, effectivement, et c'est pour ça qu'il faut des Albert Londres, des Antoine Blondin, pour... Des Buzzati, pour le Giro. Voilà, des Philippe Brunel, pour parler des contemporains, pour... voilà, faire advenir l'histoire, créer l'histoire, et c'est ça qui traverse le temps ensuite, je pense. Alors, c'est ça que le mythe se crée. Alors, il y a d'autres mythes que vous évoquez dans votre livre, Guillaume Martin, notamment Einstein, dont vous parlez beaucoup, que vous imaginez comme étant le directeur de l'équipe allemande, en imaginant que le Tour de France soit couru par des équipes nationales. L'équipe allemande, vous l'imaginez, serait dirigée par Albert Einstein. Pourquoi vous l'avez choisi, lui ? Bon, le sous-titre de mon livre, c'était le Tour de France des philosophes. Effectivement, oui, j'ai imaginé un Tour de France revenu aux équipes nationales, comme c'était le cas par le passé. Et ces équipes nationales auraient été constituées de philosophes. Alors j'avais envie de parler d'Einstein, mais j'étais un petit peu embêté parce qu'il n'est pas à proprement parler philosophe. Donc c'est un peu le prétexte littéraire que j'ai trouvé pour l'intégrer. Et puis c'est aussi Einstein est déjà pas allemand. Ici, il a été allemand, mais pas tout le temps. Voilà, et surtout pas très patriotique. Donc, il est très mal à l'aise en fait dans l'histoire avec cette position de directeur sportif. Mais est-ce que vous savez que l'Einstein, le vrai, cette fois, il a été un grand cycliste. Il a même écrit un poème sur le vélo. Il y a une photo de lui qui le montre. Il y a cette photo célèbre, voilà, le 1933. Poème, je ne savais pas. Il était à Santa Barbara chez son ami Ben Meyer en Californie. Il faisait des randonnées à vélo tous les jours. Et en rentrant d'une de ses randonnées, il écrit « Jamais je n'ai vu plus beau, là-haut le soleil, en nous la paix, tous les cœurs étaient en extase, et moi je n'avais pas scrupule à pédaler comme un bienheureux. » Bon, c'est une traduction approximative de l'allemand. Bah, peut-être que Einstein avait expérimenté cette sensation qu'on décrivait au début de l'émission d'extase sur le... Il écrit d'ailleurs qu'il a pris des décisions importantes en pédalant quand il était... en Italie, à l'âge de 16 ans, après avoir fui l'Allemagne où il ne supportait pas la discipline militaire de son lycée à Munich, il a été déscolarisé pendant un an et c'est en pédalant, dit-il, qu'il a pris la décision d'abandonner la citoyenneté allemande pour ne pas faire son service militaire. Donc le vélo a vraiment une importance dans l'histoire absolument majeure. Mais est-ce que vous-même, vous avez pris des grandes décisions en vélo au cours d'un entraînement ? Je sais pas si les décisions se prennent, pour ce qui me concerne en tout cas, vraiment sur le vélo. Par contre, quand je suis dans une situation où je dois prendre une décision, au bout d'un moment, on pèse le pour, le contre, et les choses finissent par s'embrouiller. Et le fait d'aller faire un tour à vélo, un entraînement, ça permet en tout cas de s'éclaircir l'esprit. Et quand on revient... les choses sont plus claires, on peut penser plus librement. Voilà, quand on nous fait une proposition, on vous dit dormez là-dessus et puis prenez votre décision demain. Et ben là, c'est pédaler là-dessus et puis prenez ensuite votre décision. Est-ce qu'on peut pas dire ça de tous les efforts de très longue durée, les sports d'endurance, qui mettent l'esprit dans un état particulier? Oui, je pense que c'est quelque chose de commun à tous les sports d'endurance. Peut-être que le vélo est le meilleur pour ça, par contre, parce que c'est le rythme idéal dans la marche, par exemple, on va pas, ou dans la course à pied, j'ai l'impression qu'on va pas assez vite, que l'esprit est peut-être encore trop présent, on a peut-être encore trop le temps de penser. Le vélo me semble être le bon rythme pour s'oublier. Alors dans cette émission, Guillaume Martin, on ne cesse de dénoncer les catégories trop bien séparées. Et souvent, quand on parle de sport, on oppose le corps et l'esprit, ou le corps et le mental, comme si le mental pouvait transcender les limites du corps. Alors je voulais vous faire réagir à deux citations philosophiques, pour le coup. L'une de Descartes, dans le discours de la méthode, à propos du corps. Il écrit ceci: « Tout corps est une machine, et les machines fabriquées par le divin artisan sont les mieux agencées, sans cesser pour autant d'être des machines. Il n'y a à ne considérer que le corps, aucune différence de principe entre les machines fabriquées par des hommes et les corps vivants engendrés par Dieu. Il n'y a qu'une différence de perfectionnement et de complexité. » Alors, est-ce que ça vous parle? Est-ce que le rapport que vous avez avec votre corps, c'est celui que vous auriez avec une machine sophistiquée? Absolument pas. Moi, ce que j'expérimente tous les jours, c'est que le corps est premier, que le corps a une vraie intelligence, et je me distingue pas de mon corps. Enfin, là-dessus, je suis beaucoup plus nietzschéen que cartésien. Et pour moi, il n'y a pas d'un côté le corps comme une machine que l'esprit commanderait, et donc de l'autre l'esprit. Il y a une unité, corps-esprit, et le corps est premier là-dedans. Il y a surtout un corps et l'esprit est le dérivé. Donc la chose est retournée par rapport au cartésianisme. Et donc vous êtes plutôt spinoziste là-dessus. Spinoziste. Ce que Spinoza voilà. Écrit dans l'éthique, il se pose la question: que peut un corps? Et il répond: personne n'en sait rien. En tout cas, personne ne sait d'avance ce que peut un corps. L'expérience n'a jusqu'ici enseigné à personne ce que, grâce aux seules lois de la nature, le corps peut ou ne peut pas faire, à moins d'être déterminé par l'esprit. Car personne jusqu'ici n'a connu la structure du corps assez exactement pour en expliquer toutes les fonctions. Ça vous va, ça? Ça me va tout à fait, oui. Je suis vraiment plus dans cette tradition-là, qui part de Spinoza, qui va à Nietzsche, que dans celle du cartésianisme. Mais est-ce que vous êtes capable de dire à l'avance ce que pourra votre corps dans quelques années, à force d'entraînement, d'expérience? Non, parce que le corps est vivant, c'est une dynamique, et donc il a sa vie propre qui est ma vie propre. Enfin, il n'y a pas... En fait, je pense que le langage n'est même pas adapté pour parler de ça, parce que quand on dit « mon corps », on a déjà sous-jacente l'idée que le corps serait quelque chose d'extérieur. Mais ça ne me semble pas être le cas. Il y a « je égale corps ». Enfin, c'est comme ça qu'il faudrait dire. Je ne sais pas comment le formaliser. Mais il me semble que parfois des sportifs témoignent du fait qu'ils n'ont plus de force. Donc leur corps est épuisé, mais ils ont la force mentale de continuer. Mais chez les alpinistes, par exemple. Parce qu'il y a une obligation de continuer en alpinisme, on ne peut pas s'arrêter. Il n'y a pas des refuges tous les 100 mètres. Donc même si le corps est mort, il faut continuer si on veut survivre. Moi, je peux vous dire, par mon expérience, c'est que dans ce cas-là, ça veut dire que le corps en fait, a des ressources cachées, insoupçonnées, mais c'est encore le corps qui peut plus. Moi, ce discours du mental... me semble faire partie de cette hypocrisie un peu du sport moderne où voilà on met en avant les capacités de l'esprit qui peut tout voilà. Mais est-ce que les dispositions psychologiques ont un effet sur les performances physiques? Je veux dire par là que est-ce qu'on pédale mieux lorsqu'on est de bonne humeur et joyeux que lorsqu'on est dépressif? Oui, mais c'est la bonne humeur et la joie ou la dépression, ça vient du corps. Enfin, je pense vraiment que le corps est premier et que on peut pas. Enfin, voilà, moi sur le Tour de France, quand je fais un contre-la-montre dans une montée, j'ai beau me dire faut que ton esprit prenne le dessus, il faut en faire un peu plus. Non, je suis à ma limite. En tout cas, tous les sportifs de haut niveau, ils sont à la limite de leur corps et on peut pas aller plus loin. Le mental, ça me semble vraiment être un mythe, quelque chose de construit à la suite de toute une tradition, effectivement. Mais quelque chose qu'on peut pas distinguer du physique, en fait, qui est relié au physique d'une façon qu'on peut Nietzsche, pas déterminer. Nietzsche parle de physiopsychologie. C'est une expression qui synthétise bien cette unité. On peut effectivement pas distinguer les deux choses. Et donc il y a mensonge sur la marchandise quand on vous dit que par l'esprit vous pouvez tout faire et que tout le monde peut être un champion s'il a la volonté. Guillaume Martin, vous avez un physique de grimpeur, ça se voit, et vous êtes devant moi, vous êtes très mince. Donc il y a des courses que vous ne voulez pas faire parce que vous pensez n'avoir aucune chance, comme Paris-Roubaix, par exemple, qui est plutôt pour des rouleurs costauds. Oui, c'est ça. Moi, je suis vraiment porté par l'instinct de compétition et par le désir de gagner. Et donc, je pense que mes qualités physiques ne me permettent pas de bien figurer sur une course comme Paris-Roubaix. Donc, je vois pas l'intérêt de m'aligner sur ce type de course. Alors, je l'ai dit en vous présentant, vous avez terminé 12e du Tour de France cette année, en 2019. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se passe pour que vous soyez, je sais pas, 5e, voire vainqueur? Il faut déjà que je prenne un peu de maturité. J'ai 26 ans, donc j'ai encore une marge de progression. Après, plus on arrive proche du haut niveau, plus les différences sont minces et ça se joue sur des détails aussi, sur une structure de ration de la saison plus judicieuse. Il faut arriver au Tour de France avec beaucoup de fraîcheur, avoir une équipe solide pour vous entourer. Donc jusqu'où je peux aller, je sais pas. En tout cas, j'ai la conviction que je peux faire mieux. Oui. Ça sera le mot de la fin, Guillaume Martin. Merci d'être venu nous démontrer par votre présence physique qu'on peut être cyclosophe. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Bernard Laniel et à la réalisation Delphine Lemaire. Tout de suite, c'était dans quelques instants, vous retrouvez Christophe Onodibio pour le temps des écrivains.